Il y a quelques années, en plein jour et en pleine rue, une amie s'est tout à coup blottie contre moi. Elle m'a serré la main tremblante et s'est caché les yeux. Elle venait de voir un chat. Ce fut la première fois de ma vie, et la dernière, en tout cas jusqu'à maintenant, que je rencontrais une personne ayant la phobie des chats. Pour moi, il était évident qu'on pouvait avoir peur de tout, mais pas de ce qui me semblait être la créature la plus familière du monde. Je pense souvent à cette amie qui doit s'étouffer à chaque vidéo mignonne et ronronnante que le monde entier se partage. Mais je me demande aussi si elle n'avait pas raison, ou du moins si sa sensation d'étrangeté, certes épidermique, n'était pas plus saine que toute l'affection dégoulinante et inquestionnable qu'on a pour ceux que Gustave Flaubert nommait « des tigres de salon ». Car a-t-on compris la moindre chose des chats ? Sont-ils l'exemple par excellence de l'impossibilité qu'il y a à saisir une existence animale ? Bon, alors attention, on est prêt, moteur ! Pamela, 24 deuxième. Allons-y Bernard, envoyez le chat. Bernard, fais-le venir enfin. Oui. Ah. Oh, bordel. On coupe. On va refaire. Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà, c'est Momo. Non, non, c'est foutu, c'est de votre faute, Yorick, avec votre perche à la con, vous lui faites peur à ce chat. On n'a pas besoin du son pour ce plan, on fera un son seul. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Merci du fond du cœur. Oh regardez, un chat de gouttière. Chut, écoute. Allons-y Walter, sur le chat. Voilà, Bernard, le chat. Psst, avance. Ah. Merde, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas, je devrais y aller, il a pas bouffé depuis 3 jours. Écoute. 24, 8ème. Allez, balancez-le carrément. Vous avez entendu parler du sculpteur Giacometti? Ah oui, je le trouvais très beau. Vous savez pas, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, dans un incendie, entre un Rembrandt et un chat, je sauverai le chat. Et même je laisserai partir le chat après. C'est vrai? Ah oui, c'est ça qui est merveilleux, justement. Non? Oui, c'est très bien. Coupé, oui. Bon, bah écoutez, c'est très simple. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un chat qui sait jouer. Bonjour Florence Burga. Bonjour Géraldine Mosna-Savoie. Vous êtes philosophe, directrice de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique. Vous êtes affectée aux archives USERL à l'ENS. On vous doit de nombreux ouvrages sur la vie et la condition animale. Et parmi ceux-là, Vivre avec un inconnu, miette philosophique sur les chats, qui est paru aux éditions Rivage Poche en 2016. Alors le titre de votre livre, Florence Burga, pose d'emblée le problème. Comment le chat, un des animaux les plus familiers pour nous, reste pourtant un inconnu ? Je crois que les archives que vous venez de nous donner à entendre commencent à répondre à cette question. Le chat est un animal, je ne révèle rien que tout le monde ne sache. Jusque-là, on est d'accord et on ne s'est pas trompé 2 semaines, on fait bien 4 animaux cette semaine. Voilà. Qui garde un pied dans la vie sauvage. Et effectivement, ce qui est toujours troublant dans la relation qu'on peut avoir avec les chats, c'est le sentiment d'étrangeté en réalité persistant. Le fait aussi que leur regard soit tellement moins transparent que, par exemple, le regard du chien qui semble chercher à imiter l'humain et dans le regard duquel on lit assez facilement. Tandis que le regard du chat est beaucoup plus abyssal, on y plonge sans vraiment savoir où on va. Il y a ce mélange, si souvent décrit par les écrivains, les poètes, de douceur, d'abandon et en même temps brusquement d'exaspération du chat qui peut sortir ses griffes et s'en aller. Donc on ne sait pas très bien qui est le chat, et je pense que bien évidemment c'est ce qui fait son mystère, son charme, mais aussi qui nous enjoint à garder une certaine distance respectueuse vis-à-vis de cet animal qui a un quant à soi très affirmé. Mais en cela, le chat est-il paradigmatique d'une condition animale, à savoir qu'il va garder une étrangeté, quoi qu'il en soit, quelles que soient les méthodes d'approche, que ce soit par la fiction, par l'épistémologie, par la philosophie, ou est-ce que le chat révèle en fait peut-être les écueils qu'on a à penser de certaines manières, c'est-à-dire à penser la connaissance uniquement en termes de connu, en termes par exemple de parole, en termes de comportement, de réaction à des stimuli. Qu'est-ce qui nous révèle la condition animale en tant que telle qui reste fondamentalement étrangère, ou plutôt l'écueil de nos méthodes à nous? Alors je crois que vous mettez le doigt sur le problème le plus important des sciences, qu'on appelle les sciences animales, qui s'efforcent de connaître les animaux, le comportement animal, la psychologie animale. C'est effectivement leur manière de passer par une description qui vide leur sujet d'étude de tout contenu psychique, en fait. Et on sait que très souvent, il s'agit d'observations contrôlées en laboratoire et donc d'une atomisation du comportement pour étudier telle ou telle séquence. Et en ce sens, le chat, peut-être de façon en effet paradigmatique, indique constamment l'échec et les limites de cette méthode d'observation et de compréhension qui, à mon sens, arrive à des descriptions qui ne coïncident pas avec la fluidité et la complexité du comportement des animaux. Mais alors, est-ce que le chat en se distingue en cela des animaux ou vraiment est représentatif des animaux? C'est-à-dire qu'il y a l'écueil de nos méthodes d'approche des animaux en général, et puis il y a aussi le chat qui, lui, quand même est un petit peu particulier parmi l'ensemble des animaux qu'on peut connaître, qu'on se figure et des comportements qu'ils ont. C'est quand même un chat, on l'a entendu d'ailleurs dans les extraits, c'est vraiment l'animal presque ordinaire, c'est-à-dire qu'il fait partie de nos maisons, qu'on a tous rencontré, on a tous eu des expériences avec des chats, hormis cet ami dont je parlais qui a une phobie des chats, mais qui finalement révèle bien aussi comment ça se fait que cet animal-là soit aussi intégré à nos vies. Alors, je crois que on peut dire que le chat serait un animal particulier au sens où, précisément parce qu'on le côtoie, on s'aperçoit de façon directe, précise, de cette étrangeté. Mais je pense que cette idée vaut évidemment pour n'importe quel animal qui conservera, et Dieu merci, on pourrait dire, toujours son propre, sa spécificité et sa zone de mystère. Je pense que ça vaut absolument pour tous les animaux. Un chat qui me regarde. Il est là, tout près, sur ma table. Il avance sa petite tête obscurément pensante, où doit se faire en ce moment quelque lueur inaccoutumée. Tant qu'il a entendu aller et venir autour de moi des domestiques ou des gens quelconques, il s'est dédaigneusement tenu à l'écart sous un fauteuil, car je suis l'unique ayant permission de caresser sa robe toujours immaculée. Mais dès qu'il m'a senti seul, il est venu et s'est assis bien en face, pour soudainement prendre une de ses expressions profondes, comme il en passe de temps à autre dans le regard de ses pareils. Bêtes contemplatives, bêtes énigmatiques. Ses deux yeux jaunes, fixés sur moi, sont grands ouverts, dilatés par un effort intérieur pour interroger et essayer de comprendre. « Qui es-tu, en somme ?» demande-t-il. « Toi à qui je me confie ? Qu'est-ce que tu vaux ? Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu fais en ce monde ?» Dans notre ignorance de tout, dans notre impuissance à rien savoir, quel étonnement et peut-être quelle terreur il y aurait à pénétrer par les étranges fenêtres de ses yeux jusqu'à l'inconnaissable de ce petit cerveau caché derrière. Oh, si l'on pouvait rien qu'un instant penser à sa place et ensuite se souvenir. Quelle solution subite et décisive, pleine d'épouvante sans doute, cela donnerait à des problèmes éternels. Nous sont-elles très inférieures et lointaines, ces bêtes familières, ou bien terriblement voisines? Est-il beaucoup plus épais que le nôtre, le voile des ténèbres qui leur masque la cause et le but des existences? Mais non, jamais. Jamais il ne sera donné à aucun de nous de rien déchiffrer dans ces petites têtes câlines qui se font si amoureusement caresser, tenir et comme pétrir dans nos mains. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors, ça va être difficile de faire plus beau, plus dense que ce texte, Florence Burgas. C'est un extrait de Reflet sur la route sombre, un texte de Pierre Loti qui est paru en 1899, qu'on a entendu interpréter par Hélène Losseur. Alors j'ai dit que c'était difficile de faire plus dense parce qu'effectivement on a un petit peu tous les paradoxes du chat, c'est-à-dire toutes les dimensions du chat, la dimension énigmatique, l'impression qu'ils détiennent un secret, peut-être celui de l'existence, la question de leur expression, le fait aussi qu'ils soient à la fois voisins, familiers ou peut-être inférieurs et lointains. Enfin, toutes les questions sont posées par ce texte que je ne connaissais pas, qui est vraiment incroyable. Et puis, il y a surtout cette idée du regard. Alors, c'est vrai que le regard du chat, c'est vraiment quelque chose qui cristallise cette problématique de le chat est à la fois cet être auquel on a accès, qu'on peut regarder, qui nous regarde, et en même temps ces yeux-là, ce regard-là sont comme un mur infranchissable. Oui, c'est très particulier. Enfin, chaque animal a un regard particulier. On ne saurait pas comment le décrire, mais par exemple, deux espèces d'oiseaux, parmi les tout petits oiseaux, n'ont pas le même regard. Et bon, on ne saurait pas vraiment les qualifier, mais c'est quelque chose de très frappant. Et il y a dans le regard du chat, me semble-t-il, quelque chose qui s'étend. Quand vous le regardez, vous ne savez pas jusqu'où vous allez, en fait. Et vous ne savez pas facilement donner une tonalité à ce regard. Et il y a un autre texte de Loti qui compléterait celui-ci. Il parle d'un pauvre chat de rue qui n'a jamais été caressé par personne et qui le regarde en cherchant son affection. Et il fait la remarque suivante, il dit comment le chat peut-il comprendre que c'est par le regard qu'il, enfin, le chat comprend que mes yeux à moi sont quelque chose par quoi nous allons communiquer. Alors même que ce chat des rues, à l'évidence, n'avait été en relation avec personne. Donc il y a là évidemment quelque chose de très mystérieux dans la relation avec les animaux en général, par ce biais du regard. Mais est-ce qu'on se trompe pas en fait à s'en tenir au regard du chat, parce que il y a quelque chose à la fois, comme vous l'avez dit, de profond, mais on ne sait pas où jusqu'où cette profondeur nous emmène. Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi un leurre, c'est-à-dire de quand on se regarde droit dans les yeux avec quelqu'un, c'est qu'on cherche à communiquer quelque chose. Mais effectivement, le texte de Pierre Loti que vous citez, l'autre texte de Pierre Loti que vous citez, pose bien ce problème-là de dire mais en fait qu'est-ce qu'on attend de voir à travers les yeux d'une personne ou d'un animal. En l'occurrence, est-ce qu'on se trompe pas sur les yeux? Mais je crois en effet que le regard du chat, souvent, me semble-t-il, n'est pas lisible. Il y a des regards du chat qui sont lisibles, parce qu'évidemment, les animaux qui vivent avec des humains sont obligés de se repérer à certains signes, aussi à l'intonation de la voix, à certains gestes, et ils apprennent dans une grande mesure à communiquer par le regard. Donc il y a des regards qui sont éloquents, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et en effet, des regards sur lesquels on ne pourrait pas mettre un adjectif. Il y a aussi quand même chez le chat, pour le coup, pour avoir eu deux chats dans ma vie, où on se sent jugé. C'est-à-dire que le chat est dans la même pièce que nous, il nous regarde et on a l'impression d'être jugé, peut-être qu'il nous jauge plutôt que jugé. Effectivement, il nous évalue. Et c'est ça aussi qui rend ce regard si troublant, c'est qu'on a l'impression qu'il a quelque chose derrière la tête, qu'il est pensif, le chat. On ne sait pas s'il pense véritablement, on ne peut pas dire non plus qu'il ne pense pas, puisqu'il dirige son regard vers des objets ou des êtres humains. Mais en l'occurrence, il a l'air pensif. Oui, il a l'air constamment pensif et je pense que cette expérience à laquelle vous faites allusion est très importante pour un peu retourner cette métaphysique classique hein, qui voit dans les animaux des êtres vides. C'est le moment, et c'est bon, Derrida qui en a parlé, comme on le sait, où je me vois vue par un animal. C'est-à-dire que prendre en compte cette expérience, c'est-à-dire non pas moi je regarde l'animal et j'essaye de me dire à quoi il pense, qui est-il, etc. Mais ce moment où je suis un peu interrompue par le regard de cet animal sur moi et où je comprends que ça n'est pas seulement moi qui l'évalue, mais c'est lui qui est en train, de me jauger, de me juger, de m'évaluer, que sais-je. Mais en tout cas, il y a cette interrogation qu'il porte sur nous et on peut dire que très probablement les animaux portent le regard sur nous comme il porte un regard sur la totalité des choses qui les entourent. Vous avez évoqué, Florence Burga, Derrida, qui effectivement parle du chat quand il sort de sa salle de bain et que son chat le regarde alors qu'il est tout nu sortant de sa salle de bain. Mais il y a un autre philosophe qui parle du chat et qui ne les aime pas beaucoup. On l'écoute. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. J'étais sans chat ni chien, et puis voilà que un de nos enfants, à Fanny et à moi, amène dans ses petites mains un chat qui n'était pas plus grand que la petite main. Et à partir de ce moment fatal, j'ai toujours eu un chat à la maison. Alors, qu'est-ce qui m'est déplaisant? J'aime pas les frotteurs, déjà. Un chat passe son temps à se frotter contre vous. J'aime pas ça. Vous les approchez? Ah ouais, beaucoup. Ouais. J'en ai trois à la maison. Ouais. Vous n'êtes pas superstitieux par rapport à eux? Non, pas du tout. Quel est leur caractère si vous aviez à le décrire? L'anarchie. Et vous? Moi, c'est mystérieux, évidemment. Hein, comme... C'est vraiment mystérieux. Bah, ça représente le mystère. Ouais. Et vous, madame? Ah, moi, j'aime bien les chats. Mais je sais pas pourquoi. Le caractère du chat? Indépendant. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu hypocrite? Si, mais ça fait partie de son personnage. J'aime bien les chats, mais je les trouve un peu... Je les trouve pas très francs, pas très... Je les trouve un peu fourbes, pas fourbes, mais très indépendants et... Oui. Volage, peut-être? Un peu, oui. Ils sont fidèles, contrairement à ce que l'on croit. Ils ne font pas de bruit. Et ils sont toujours présents dans le fond. Puis on n'a pas besoin de les sortir. Oui, mais enfin, même s'ils sont présents, des fois, ils cachent leur jeu, vous ne trouvez pas? Non, pas du tout. Les chats sont-ils fourbes, indépendants, des frotteurs? C'était la voix de Gilles Deleuze dans l'abécédaire, l'abécédaire produit par Pierre-André Boutan qui date de 88-89 à la lettre A comme animal où donc Gilles Deleuze nous raconte qu'il n'aime pas les chats, donc qu'ils sont des frotteurs, ce qui est très drôle et qui n'a plus la même signification maintenant aujourd'hui ce terme de frotteur. Et on a entendu juste après un micro-trottoir qui date de 1984. Alors effectivement, on a tous des idées sur les chats qui sont véritablement des projections presque humaine, on anthropomorphise le chat, il a tel caractère qui ressemble plutôt à un humain, il nous oppresse, il est trop indépendant. Finalement, on oscille tout le temps dans notre rapport au chat, soit à le réduire à un pur animal, c'est-à-dire un pur vivant. Hein, on en a parlé, Florence Burga, on va s'en tenir juste à étudier son comportement, des réactions à des stimuli, soit carrément en faire carrément... une personne à part entière avec un caractère, des traits un petit peu caricaturaux. Voilà, on oscille tout le temps entre ces deux figurations du chat. Oui, oui, vous mettez le doigt sur le problème. On peine à penser la singularité des animaux. Et en effet, soit on en fait un pur vivant, assimilable aux plantes, soit on essaye de chercher des traits humains. Alors, je pense que ce sont des personnes à part entière, mais donc vous penchez plutôt pour, par exemple, ce micro-trottoir, Florence Burga, il vous convient plutôt finalement. Ben, c'est-à-dire que oui, enfin oui et non, enfin oui, il me convient bien sûr. Je trouve que c'est très intéressant tout ce que les personnes interrogées révèlent, hein, comme sentiment. Mais bien sûr, le mot hypocrite, on peut se dire, est-ce que c'est valable? Pour parler du côté, alors j'ose pas dire un peu manipulateur du chat, mais en même temps, parce que c'est un mot très négatif, je trouve amusant de voir que, par exemple, le chat qui veut que vous ouvriez une porte qui est assez loin, va vous faire lever pour vous faire... En vous donnant à penser que vous voulez ouvrir une porte qui est proche, vous ouvrez cette porte et puis à ce moment-là, il vous emmène à l'autre porte. Donc c'est l'intelligence aussi qui fait que il a compris comment vous fonctionnez. Bon, j'aime bien la personne qui dit c'est l'anarchie. Le chat aime l'anarchie. L'État, c'est pas son truc. Voilà. Donc bien sûr, on peut pas s'empêcher non plus de percevoir des sentiments, enfin une psychologie proche de la nôtre. Et je pense que les animaux qui vivent avec les humains s'humanisent d'une certaine manière et comprennent nos manières de fonctionner et les utilisent aussi. Mais les utilise, je dis pas ça en un sens négatif, c'est aussi pour que la vie en commun soit possible. Mais ce qui m'en révèle bien aussi qu'on ne peut pas, et je vais employer le terme à dessein, se représenter le chat autrement qu'en termes justement de représentation. On ne peut pas penser. On ne peut pas approcher l'existence animale du chat en termes d'existence, mais juste en termes de représentation. C'est-à-dire qu'on va se figurer un chat. C'est ça aussi la difficulté. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'approcher la singularité d'une existence animale? Ça pose cette question-là. Comment on peut faire? De toute façon, on ne peut que cela représenter. Ou alors, on ne peut que l'observer tel un historien, un naturaliste. Non, je pense qu'il y a une troisième voie entre ces deux postures. C'est vraiment de faire l'effort mental de se dire je nie, c'est un pur vivant à propos duquel il n'y aurait rien à dire, qui n'a pas d'intériorité, ni c'est un humain moins quelque chose. Bon, qui sont évidemment les deux voies, à mon avis, à révoquer toutes les deux. Mais se dire au contraire, je suis devant un être singulier et j'essaye de l'accueillir comme tel. Et je pense que cette posture intellectuelle change évidemment beaucoup les choses. Donc par exemple, ça veut dire quoi l'accueillir comme tel ? Ben, l'accueillir comme tel, au fond, c'est ce que on devrait aussi essayer de faire à l'égard de tous les êtres humains que nous rencontrons. C'est-à-dire non pas immédiatement chercher à l'identifier par rapport à ce que nous sommes nous, ce qui est une tendance évidemment tout à fait naturelle pour ne comprendre. Pas ramener l'inconnaissable au connu. Voilà, et essayer d'être dans une ouverture d'esprit qui fait que je dois toujours m'attendre à de la complexité et à une dimension individuelle. Après, ceci étant dit, il me semble que notre obsession à vouloir connaître de l'intérieur est un peu curieuse. D'ailleurs, connaît-on jamais quiconque ne connaît-on jamais quiconque, l'intériorité de quiconque? Alors bien sûr, vous me répondrez que, et vous aurez raison, qu'avec un animal, là, l'étrangeté est redoublée, bien évidemment. Mais je pense qu'à partir du moment où on se met dans cette état d'esprit intellectuel d'accueillir une altérité, les choses sont sensiblement différentes. Mais est-ce que c'est pas un petit peu naïf, Florence Burgat, de penser qu'on peut accueillir un chat dans son altérité, alors qu'en fait, le chat, quand on l'accueille chez nous, on l'accueille chez nous, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à notre rythme, il va s'adapter à la nourriture qu'on lui propose. C'est-à-dire que tous les animaux domestiques, finalement, deviennent des membres, certes à part entière, d'une maison, quand ils sont bien traités, mais de cette maison avec tel fonctionnement et telle règle. Alors oui, moi là, je parlais simplement d'une posture intellectuelle pour aborder la question animale. Mais vous avez raison, à partir du moment où on accueille chez soi un animal, eh bien, il doit entrer dans notre mode de vie et s'accommoder d'un certain nombre de choses, et aussi de bonnes choses, évidemment, qui lui sont proposées. Et en effet, c'est la nourriture qu'on va lui donner, c'est un certain rythme de vie, c'est peut-être l'impossibilité de sortir. Et à ce moment-là, la donne est évidemment assez différente. L'homme change l'état naturel des animaux en les forçant à lui obéir et les faisant servir à son usage. Un animal domestique est un esclave dont on s'amuse, dont on se sert, dont on abuse, qu'on altère, qu'on dépayse et que l'on dénature. Tandis que l'animal sauvage, n'obéissant qu'à la nature, ne connaît d'autre loi que celle du besoin et de sa liberté. L'histoire d'un animal sauvage est donc bornée à un petit nombre de faits émanés de la simple nature. Au lieu que l'histoire d'un animal domestique est compliquée de tout ce qui a rapport à l'art que l'on emploie pour l'apprivoiser ou pour le subjuguer. Et comme on ne sait pas assez combien l'exemple, la contrainte, la force de l'habitude peuvent influer sur les animaux et changer leur mouvement, leur détermination, leur penchant, le but d'un naturaliste doit être de les observer assez pour pouvoir distinguer les faits qui dépendent de l'instinct de ceux qui ne viennent que de l'éducation. Reconnaître ce qui leur appartient et ce qu'ils ont emprunté. Séparer ce qu'ils font de ce qu'on leur fait faire et ne jamais confondre l'animal avec l'esclave, la bête de somme avec la créature de Dieu. 3h du matin, il faut que je me lève pour te lever à manger. Allez, viens, Linou. Tu veux du beurre de cacahuète? Non. Préfère ta petite boîte, hein? Attends, je vais te mitonner la petite mixture que tu aimes tant. Une seconde, quoi, quelle vorace. Tiens, voilà. Tu vas te régaler. Oh, tu sais, tu mangeras pas mieux au Hilton. Tiens, Mina. Bah, allez, mange. T'avais faim, non? Aïe, quoi, dis donc, tu m'as griffé, petite vache. Ce qui est fascinant avec cet extrait qu'on vient d'entendre, Florence Burgas, c'est un extrait du film de Robert Altman, Le Privé, qui date de 1973, c'est qu'il dit exactement le contraire de ce qu'on a entendu dans le texte de Buffon, donc célèbre naturaliste, dans son Histoire naturelle, volume 4, qui date de 1793, où il dit « L'homme change l'état naturel des animaux en les forçant à lui obéir et les faisant servir à son usage. » Ça, c'est la définition d'un animal domestique, or avec le chat. Eh bien, ça n'est pas forcément la même chose. Et c'est pour ça aussi que le chat se distingue des animaux domestiques tels qu'on les entend. C'est que parfois, eh bien, les rôles s'inversent et c'est le chat qui domine, c'est le chat qui décide qu'il ne mangera pas à cette heure-là, qu'il sortira à cette heure-là et qu'il fera un peu à sa guise. Alors oui, pour autant que les personnes qui vivent avec lui acceptent cette inversion des rôles, évidemment. Mais en effet, je pense qu'on aime chez le chat cette résistance à être dominé. À être dominé, à se plier à des règles. Enfin, comme disait tout à l'heure la personne interrogée, le chat, c'est de l'anarchie. Et donc, en effet, il a ses propres vues. Il n'a pas complètement abdiqué sa liberté, ses façons de voir, ses désirs. Et je pense que c'est ce qu'on aime aussi chez lui, bien sûr. Ça veut dire que le chat vient aussi rompre la distinction qu'on peut faire habituellement entre l'animal domestique et l'animal sauvage. C'est-à-dire que là, ce que dit Buffon dans son texte, à savoir d'un côté l'animal domestique qui est un esclave dont on s'amuse, et de l'autre l'animal sauvage qui n'obéit qu'à sa nature et ne connaît d'autres lois que celles du besoin et de sa liberté, on ne sait pas où situer le chat, en fait. C'est vrai, il casse cette opposition et on ne sait pas où le situer, effectivement. Il a un pied des deux côtés, on pourrait dire. Et qu'est-ce qui lui plaît dans la vie qu'il peut mener avec nous? Qu'est-ce qu'il nous trouve au bout du compte? Parce que je pense. Mais pourquoi ne s'en va-t-il pas finalement? Pourquoi ne s'en va-t-il pas? Parce que c'est pas celle simplement, contrairement à une idée comme ça un peu simpliste, la reconnaissance du ventre. Enfin, j'ai horreur de cette expression que je trouve. Vraiment. Ah oui, il ne reste pas, vous voulez dire, chez nous uniquement pour être nourri. Bien sûr, bien sûr. Donc, il trouve quelque chose dans la compagnie de certains humains. Du reste, ils les choisissent. Quand ils le peuvent, ils les choisissent. Et ça n'est pas simplement le confort d'une maison. Et souvent, on se dit, mais tiens, pourquoi ce chat de rue s'est installé dans ce tout petit endroit où il dort dans une petite caisse avec un coussin, alors que à côté, il avait... Donc, il choisit des individus. Et en même temps, il n'abdique pas cette part sauvage. Et c'est ce qui le rend, évidemment... fascinant. Mais on peut quand même dire qu'il est apprivoisé. Est-ce que ce serait une autre catégorie en fait à faire intervenir, à savoir en fait qu'un animal qui est, on va dire, de compagnie, il faudrait déjà revenir sur ce terme aussi, un animal qui vit, on va dire, chez nous, peut être sauvage ou domestique, mais il n'a pas domestique, c'est quand même les animaux qui ont subi en fait des modifications à force d'avoir été éduqués et en vie commune avec des humains. Donc, est-ce que le chat ne vient pas casser et relever plutôt de l'animal apprivoisé et casser cette distinction entre domestique et sauvage pour juste être un animal apprivoisé et de compagnie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un animal apprivoisé. Depuis si longtemps, il côtoie l'homme depuis très longtemps. Donc il est apprivoisé, effectivement. Dans l'autre texte de Loti, cette chatte qui est errante et qui n'a jamais vécu nulle part, elle recherche l'amitié d'un être humain. Ce qui montre qu'il y a en effet ce lien de l'apprivoisement. Et quant à ce que dit Buffon dans son texte, il faut les observer assez, c'est le but d'un naturaliste, de les observer assez, les animaux, pour pouvoir distinguer les faits qui dépendent de l'instinct de ceux qui ne viennent que de l'éducation. Comment faire la part des choses maintenant avec les chats ? Dans la mesure où ils restent des animaux sauvages, mais domestiqués, presque de compagnie, apprivoisés en tout cas, qu'est-ce qui relève de leur instinct ou pas ? Par exemple, un chat qui est tranquille et puis tout à coup qui va sauter partout, quelque chose d'une part sauvage comme ça qui revient, ou même une forme de cruauté parfois. D'ailleurs, c'est revenu dans les archives, dans le micro-trottoir. On entendait vraiment quelque chose de « il est fourbe, finalement il est indépendant, il ne pense qu'à lui ». Est-ce que c'est ça en fait, distinguer ? Comment on peut faire rien qu'en observant un animal pour distinguer ce qui relève de l'instinct et de l'éducation ? Alors d'abord, cette distinction que fait Buffon entre instinct et éducation, elle est un peu obsolète aujourd'hui parce que l'éthologie, la psychanalyse a beaucoup revisité cette notion d'instinct, de pulsion, et donc on voit qu'elle est tout à fait indépendante de cette affaire de domestication. C'est quelque chose qui vient de bien plus loin. Donc, les choses sont plus compliquées que ça. On parlerait comment maintenant, alors, si c'est pas instinct ni éducation ? Non, ce sont pas les termes qui sont pas... C'est pas tellement une question de terminologie, c'est plutôt ce qu'on met à l'intérieur de l'instinct ou dans le texte de Buffon, enfin dans cette tradition, disons, tradition de pensée, les choses sont assez simples, c'est-à-dire, enfin assez simples encore que, comme Condillac le dit, cette notion d'instinct et du mystère qui ajoute au mystère, parce que dire chaque fois qu'on ne comprend pas c'est l'instinct, mais qu'est-ce que c'est que l'instinct, d'où ça vient, voilà, comment ça fonctionne, pourquoi ça se déclenche. Donc, je crois que tout comme nous, en fait, tout comme les êtres humains, on peut être parfaitement imbibé des codes de la civilisation et puis avoir des comportements qui viennent du plus profond de notre être, hein, voilà, que Freud appelle la pulsion et que pour les animaux on appelle instinct. Il faudrait savoir pourquoi. Enfin, pourquoi on distinguerait les deux ? Le même terme, mais bon, enfin ça c'est une autre question. Donc c'est quelque chose qui vient du plus profond de l'organisme, à la limite de l'organique et du psychique, et qui se manifeste. Donc ça n'est pas quelque chose qui disparaît. Le chien qui est un animal ultra domestiqué et qui voilà. Plus domestiqué que le chat ? Ah oui, on voit qu'il cherche vraiment à se confondre avec son maître et qu'il est tout entier dépendant. Il devient le désir de son maître. Et bien sûr, il y a des comportements qu'on appellera, pour faire vite, instinctifs, qui ne disparaissent pas pour autant. Donc tout ça se mêle. Mm-hmm. Et c'est difficile de dire ça c'est la part domestique et ça c'est la part instinctuelle ou sauvage. Vous plaidez, Florence Burga, pour une existence, l'idée d'existence animale. Est-ce que travailler sur cette idée d'existence pour éviter juste de rabattre la vie, la condition animale sur l'idée de vie ou sur des représentations qui seraient fausses, ça suppose de redéfinir l'idée d'existence. L'idée d'existence qu'on a, c'est le fait d'exister sa vie, de faire des choix, d'avoir une conscience, de pouvoir l'exprimer. Comment on peut penser l'idée d'existence pour un animal si c'est plus en termes d'instinct ou d'éducation, ou si du moins les deux sont difficiles à démêler ? Alors, cette idée d'existence animale, je voudrais dire que je l'emprunte à Merleau-Ponty dans La structure du comportement, et puis il revient aussi sur il utilise de nouveau ce concept dans Les causeries en 48, et puis on la trouve aussi, voilà, pour faire pièce à l'idée de la vie simplement vivant chez Frédéric Buitendijk, hein, qui est un éthologue du XXe siècle. Bon. Donc, ça n'est pas ma création. Parler d'existence animale, donc c'est vraiment pour faire pièce à l'idée du simplement vivant, à toute cette tradition métaphysique à laquelle on faisait allusion. Et cela permet de comprendre, en effet, de souligner que les individus qui existent vivent, comme on le dit autrement, leur vie en première personne. C'est-à-dire, ils ont la certitude immédiate que c'est bien eux qui sont en train de vivre leur propre vie et qu'effectivement, cette vie est la leur. Chaque matin, ils n'ont pas à se demander s'ils sont le même qu'hier. Enfin voilà, c'est cette espèce de certitude qui accompagne une vie qui est dirigée par bien évidemment une mémoire, des désirs, et donc ce qu'on peut appeler une vie égologique, hein, une vie en première personne. Et les chats pourraient convenir, pourraient correspondre à cette idée-là? Ah ben oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on en sait en fait après tout? Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils vivent en leur première personne? Qu'ils soient sujets et pas seulement objets, d'accord, mais à la première personne, c'est un petit peu distinct. Ce qui nous le révèle, et là je suis encore cette tradition phénoménologique, c'est vraiment le comportement. Je crois qu'aujourd'hui, à cause de la vague absolument dominante des neurosciences et du cognitivisme, on est quand même trop porté à chercher des preuves dans l'imagerie cérébrale. Alors que le comportement révèle évidemment une intériorité. La vie intérieure affleure à même le comportement. Et donc il suffit d'observer finement un comportement, évidemment d'un individu laissé librement et non pas enserré dans un protocole d'observation d'une petite séquence en laboratoire, pour affirmer, comme l'ont fait les phénoménologues, que les animaux vivent leur vie, évidemment, en première personne. Celle-là s'appelle Péronelle, d'abord. Mais après ça, à cause de la parole de Chatte qu'elle disait si volontiers, elle s'est appelée, je ne sais pas si on l'entendra dans le micro, elle s'appelait Brrr. Je l'avais ramassée là-bas, à la campagne, proprement mourante de faim, et puis je l'avais rendue très bien nourrie et très belle, et... Un hiver, j'ai été forcée de la confier à ma mère parce que moi-même, je me livrais à ma belle industrie qui consistait à jouer la pantomime et même quelquefois la comédie, ma foi, dans les théâtres de province. Elle aimait beaucoup ma mère aimait beaucoup la chatte. Et puis une fois, en cours de tournée, je suis revenue chez ma mère et j'ai retrouvé la chatte que je n'avais pas vue depuis près d'un an. Alors la chatte m'a reconnue. Et elle m'a malheureusement réadoptée avec passion, avec fidélité. Elle avait à ce moment-là un petit chat de 8 à 9 jours qui n'avait pas encore les yeux ouverts. Et puis il a fallu que je reprenne ma tournée et je suis repartie le lendemain. Alors au bout de quelques temps, j'ai reçu une lettre de ma mère qui me disait qu'elle était bien désolée que la chatte, malgré une grande couche de neige, elle était partie me chercher partout où elle pouvait, et sans doute très loin, et puis elle ne m'avait pas trouvé. Et elle a laissé mourir son petit, et comme elle ne m'a pas trouvé, elle est rentrée visiblement désespérée. Mais elle a bien consenti tout de même à vivre. J'aime beaucoup cette archive de Colette, on reconnaît sa voix, c'est une archive du 1er janvier 1948. Colette parle donc de sa chatte Péronelle, et alors là, on a véritablement la preuve, Florence Burgat, de ce que vous avez annoncé juste avant cet extrait, avant cette archive, à savoir que là, on a vraiment la preuve, le témoignage que les animaux, et les chats en particulier, vivent leur existence à la première personne. Oui, c'est évidemment assez bouleversant, hein, cet extrait, de penser que Le bonheur de retrouver Colette après un an, donc un an c'est long dans la vie d'un chat qui vit au mieux une vingtaine d'années, donc non seulement la chatte n'avait pas oublié Colette, mais elle délaisse son petit à peine nouveau-né pour la suivre. Et là bien sûr on rencontre une thématique je crois très importante qui est la puissance de l'affectivité des animaux, qui, contrairement à nous qui pouvons nous raisonner, qui pouvons savoir que la personne qu'on aime est partie, mais qu'elle va revenir, ils ont une vie affective probablement qui les domine grandement et qui les rend particulièrement vulnérables. Et on le voit dans cet extrait, hein, cet animal pour qui braver la neige ne lui fait pas peur pour retrouver cet être d'attachement, comme disent les éthologues ou les vétérinaires qui s'intéressent à la psychiatrie animale. Et on voit combien cela prend d'importance dans leur existence. Les animaux, pour moi, n'est-ce pas, rattachent à l'homme, à la nature. Il me semble que la civilisation tente à nous couper de la nature. C'est ce que l'on sent lorsque l'on passe de l'âge où l'on aime les cow-boys, par exemple, n'est-ce pas, et les pampas à l'âge des usines et des fonctions publiques, des emplois dans des bureaux, n'est-ce pas. C'est assez triste. Tandis que les animaux, eux, sont des médiateurs. C'est pour ça que je crois qu'il y a tant de gens qui vivent dans des bureaux, qui retrouvent avec plaisir les animaux le soir chez eux. Et maintenant, il y a une grande différence, m'a-t-il semblé, entre le symbolisme que l'on pouvait tirer du chien et celui qu'on pouvait tirer du chat. Le chat m'a paru le déguisement d'une divinité inhumaine et m'a inspiré des sentiments panthéistiques, n'est-ce pas ? Et je le voyais, le chat, comme un refuge contre ma qualité d'homme, une manière d'oublier ma condition d'être conscient. C'est ce que j'ai cru voir chez beaucoup de gens qui aimaient les animaux. Ils aiment les animaux, mais pas pour les animaux, ils aiment les animaux contre les hommes. On aime contre, on n'aime pas pour. Alors ça, c'est très intéressant, cette archive, Florence Burgas, c'est la voix de Jean Grenier, qui était le professeur d'Albert Camus. C'est une archive de 1968. Ce qui résonne, c'est pour ça que j'ai diffusé à très peu d'intervalle avec l'archive de Colette, parce qu'effectivement, il faut revenir sur cette relation entre les animaux et les hommes. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, depuis le début, qu'on parle des hommes, des humains, qui choisissent les animaux. On a entendu avec Colette que finalement, en fait, c'était aussi peut-être les animaux qui nous choisissaient, qu'il faudrait penser le choix de l'autre côté, en fait, de la relation. Et puis là, Jean Grenier vient nous dire, et puis finalement aussi, il y a quelque chose qui se fait peut-être contre les hommes dans notre amour pour les animaux. Il y a quelque chose qui se fait en concurrence, quelque chose d'autre. Est-ce qu'on pourrait spécifier cette relation, en fait, qui a lieu entre les humains et les animaux, et notamment les chats ? Parce que c'est peut-être avec les chats qu'on a, animaux domestiques, des rapports les plus, on va dire, quotidiens. Alors j'aime beaucoup qu'ils disent que le chat lui fait oublier son humanité. Je pense qu'il y a là quelque chose de très fort dans l'idée que la relation avec les animaux nous décentre aussi un peu de nous-mêmes. Toute relation se fait contre. Alors oui, on peut penser évidemment que tous nos attachements, mais pas simplement à des personnes, nos attachements aussi à, je sais pas moi, au fait de faire de la philosophie, de faire de la peinture, de que sais-je, ont toujours quand même un peu la dimension d'un refuge et d'une protection à l'égard d'un autre mode de relation qui ne nous convient pas, qui nous blesse, qui nous fait mal. Bon. Et donc probablement on peut... On peut imaginer, sans porter aucun jugement, que la recherche d'une certaine relation exprime toujours peut-être la peur qu'on peut avoir d'un autre mode de relation. Et certainement, il y a des personnes qui recherchent plus volontiers la compagnie des animaux parce que la compagnie des humains est plus difficile pour elles. Mais ça veut dire qu'il y a une concurrence. Alors, on a du mal à définir en quoi consiste cette relation. Et puis, il y a aussi, peut-être pour la définir, ce terme de compagnie qui n'est pas du tout adéquat. Alors oui, voilà, peut-être qu'il faut s'arrêter un moment sur ce terme d'animal de compagnie que je trouve assez désastreux. Parce qu'au fond, il entre dans la catégorie de nos classifications, animal de rente, un terme euphémisé pour parler des animaux de boucherie, animal de laboratoire, ben là il n'est pas tellement euphémisé, etc., etc., et animal de compagnie, comme si il y avait donc un nouveau service attendu qui était celui de nous tenir compagnie. Et nous venons justement d'essayer de dire que les animaux qui entrent dans nos maisons n'ont pas à être à notre disposition pour nous tenir compagnie. Très souvent, ils sont heureux de le faire et ils y trouvent leur compte. Mais il ne faut pas voir ça comme une fonction utilitaire, mais plutôt comme une relation dans laquelle, comme toute relation réussie, chacun y trouve son compte. Il y a ce texte d'Heidegger dans les concepts fondamentaux de la métaphysique qui date de 1929-1930 où Heidegger se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble avec un animal domestique. Il dit « Nous avons des animaux domestiques à la maison, ils vivent ensemble avec nous, mais nous ne vivons pas avec eux si vivre veut dire être à la manière de l'animal. Néanmoins, nous sommes avec eux. Cet être ensemble n'est cependant pas existé ensemble dans la mesure où un chien n'existe pas, mais ne fait que vivre. Alors ça, là-dessus, Florence Burgard, on sait que vous allez contredire Martin Heidegger en disant « Mais non, un chien ou un chat existe tout comme les êtres humains. » Mais néanmoins, Heidegger pose la bonne question qui est « Comment désigner ce fait d'exister ensemble, se vivre ensemble avec un animal domestique ? Comment spécifier cette relation ?» Alors, il faut dire quand même que ce texte de Heidegger arrive au terme de nombreuses pages au fil desquelles il a déconstruit une approche phénoménologique du comportement animal, hein, pour dire c'est une forme d'obnubilation. L'animal n'est pas pauvre en monde, parce que pour être pauvre, il faut avoir une idée de la richesse. Il est tout simplement privé de monde. Et tout ce qu'a pu écrire Jacob von Uxküll sur les mondes animaux sont en gros des élucubrations. Donc il y a une position très très dure de Heidegger là pour creuser le fossé entre le Dasein humain et les animaux. Donc il faut bien replacer le texte dans ce contexte. Cela étant dit, bien évidemment, lorsque nous partageons dans l'espace de la maison, la vie, notre vie avec celle d'animaux, nous n'avons probablement pas la même manière d'être. Mais est-ce qu'on ne peut pas extrapoler ça à n'importe quel individu dans la maison ? C'est-à-dire que chaque individu a sa manière d'être et celle des animaux, effectivement, n'est pas la même que la nôtre, celle des humains, mais entre les humains, nous avons aussi des manières différentes d'être. Et encore une fois, je pense que on sous-estime l'opacité des autres humains. Oui, c'est-à-dire que là, le chat, dans toute sa dimension énigmatique, finalement, c'est moins intéressant finalement de tenter d'élucider l'énigme du chat que de se demander pourquoi tout serait transparent et pourquoi serait transparent entre les êtres humains. Mais oui, je trouve qu'on a un peu une obsession de vouloir savoir, de vouloir comprendre, de vouloir décrypter, et que, enfin, il me semble que cette dimension, cet impossible accès à la vie psychique d'un autre, elle fait partie quand même de ce qui doit être préservé dans toute relation. Et bien sûr, elle est plus importante avec un animal dans la mesure où on ne peut pas l'interroger et lui dire « qu'as-tu dans la tête ?» Mais souvenons-nous qu'on peut demander ça à quelqu'un et qu'on ne sait pas du tout si ce que la personne nous répond est la vérité aussi. Il t'appelle. Si tu veux, je peux lui donner mon lit. Et puis dormir dans le fauteuil du salon. Où tu vas ? Je vais retrouver mon chat. Il y a tout de même une chose importante que je voudrais savoir. Oh, fous-moi la paix. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Rien. T'as été parfaite. Et moi, j'ai été un dégueulasse comme tous les hommes. J'ai rien à te reprocher, mais je peux plus te voir devant moi. Je t'avais dit que je t'aimerais toujours. Là, me suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Je t'aime plus. Mais moi aussi. Oh, je t'en prie, sois pas grotesque, pour un autre ange. Maintenant, le temps nous a séparés, et dis-toi bien qu'il nous séparera pour de bon un jour ou l'autre. Je préfère tout de suite. Eh ben, t'as qu'à te suicider. Non, mais tiens, il y a autre chose. Ça fera un chouette fait d'hiver. La crobate tue son mari parce qu'il a trompé avec le chat. Allez, hop. Tiens. Eh ben, tiens donc, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Elle a assassiné mon chat. Parfois, la transparence des rapports humains sont tellement évidents qu'on préfère l'opacité de son chat. On a entendu la voix de Jean Gabin et Simone Signoret, leur voix tellement reconnaissable, où effectivement, Jean Gabin préfère sa chatte à sa femme en vient à la tuer, ce qui fait qu'on revient d'un côté sur une représentation du chat, c'est-à-dire qu'on le personnifie, il devient en concurrence en fait avec la femme de Jean Gabin, et puis en même temps on a là peut-être la spécificité des relations humain-chat, à savoir en fait, parfois on ne pas s'échanger n'empêche pas, ne pas échanger de paroles n'empêche pas de se parler, ne pas penser à voix haute n'empêche pas de réfléchir ensemble. Finalement, le chat nous amène à penser autrement toutes ces catégories-là que jusque-là on employait souvent en termes de paroles, d'expression, de réflexion, de conscience, nous oblige à entrevoir et la relation et ce qui définit un humain autrement. Oui, vous avez raison d'insister là-dessus. La relation dans un silence relatif, parce que nous parlons aux animaux qui vivent avec nous, nous leur parlons même beaucoup, et ils répondent à leur façon. Et là, surtout, dans cet extrait, donc c'est le roman de Simenon, ça en dit surtout long sur l'état. Oui, là, c'est le film Le Chat, hein, c'est l'adaptation Le Chat de Pierre Granier de Fer de 71. Ouais. Ça en dit surtout long sur la relation du couple de cet homme et de cette femme. Et donc, qui, bien sûr, plutôt que de s'en prendre à la personne elle-même, s'en prend à son animal. Ce qui en dit aussi long sur la condition, en fait, des chats. Oui, alors, je pense qu'il est important, après tout ce que nous avons dit, de tout de même de dire un mot sur la condition concrète de ces animaux. Il y a beaucoup de chats abandonnés, beaucoup de chats qui se reproduisent dans la rue. Saluer aussi le travail de ceux qui les ramassent, hein, les associations, en particulier une association qui existe depuis plusieurs décennies qui s'appelle l'École du chat. Et j'en parle parce que voilà, mon chat aussi vient de cette association. Et donc la vie est dure pour eux. Beaucoup de chatons sont ramassés, les associations, les refuges n'ont pas de place. Des milliers de chatons sont euthanasiés en France, euthanasiés entre guillemets, parce que l'euthanasie en principe, c'est lorsque la maladie est irrémédiable, donc sont tués par injection létale. Et donc voilà, après tout ce que nous avons dit sur les chats, je pense qu'il est important aussi de savoir que leur condition n'est pas facile. Merci beaucoup Florence Burga. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Merci beaucoup Florence Burguin. On se quitte avec Tom Jones, What's New Pussycat. C'était dur de faire un choix d'extraits et de chansons tant les chats font partie de notre vie quotidienne. Merci d'être venu nous en parler. Je rappelle que le titre de votre livre, c'est Vivre avec un inconnu, miettes philosophiques sur les chats. Il est disponible aux éditions Rivage Poche. Et puis, j'ai aussi plaisir d'annoncer un autre livre, L'humanité carnivore, aux éditions Seuil, qui est paru en 2017. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'un être humain ? Les humains ont toujours cherché à comprendre ce qui pouvait bien les différencier des autres vivants, des autres êtres en général. Et il est vrai que c'est bien mystérieux. Car quelles que soient les caractéristiques qui semblent pouvoir distinguer les humains, les définir, elles semblent aussi pouvoir se perdre et disparaître, j'allais dire, en un clin d'œil, et même s'en passer par la mort. Pensons par exemple à des caractéristiques traditionnelles pour définir et spécifier les humains, telles que la pensée ou la raison, le langage ou même la technique qui sont supposées universelles. Une simple maladie cérébrale, un coup donné sur notre petit crâne, sur notre tête, suffit à les faire disparaître. Et ne parlons même pas des caractéristiques morales ou du droit qui donnent un autre sens à l'idée d'humanité, mais qui, elles aussi, ne semblent pas garanties sur facture. Mais justement, le propre des humains, je ne dis pas le propre de l'homme, le propre des humains, c'est d'avoir certaines caractéristiques et de pouvoir les perdre. Cela prouve qu'ils font partie des vivants, qu'ils sont, j'allais dire, des vivants et des mortels, comme les autres, puisqu'ils peuvent perdre toutes leurs caractéristiques. Mais cela n'enlève pas leur singularité ou même leur spécificité parmi les vivants. Celles-ci peuvent très bien être dues et il faut s'y rapporter aujourd'hui. C'est notre point de repère à notre cerveau et les sciences du cerveau, les sciences biologiques, les sciences cognitives, les sciences psychologiques, d'une manière générale, aussi les sciences sociales, avec les effets du monde extérieur sur notre cerveau, nous montrent les spécificités réelles des êtres humains. Mais le fait que nous puissions les perdre, le fait qu'elles soient fragiles, nous donne aussi, avec ces spécificités, non seulement une appartenance au monde en général, au vivant en général, mais une série de responsabilités. Une série de responsabilités qui fait que nos spécificités, bien loin de nous couper des autres vivants, nous relient à tous les autres vivants, à tous les autres êtres. Ce petit mot sur lequel je vais revenir dans un instant. Et il y a aussi des différences entre les êtres humains. Il y a, disait Montaigne, plus de différences d'un humain à un autre qu'entre l'homme en général, on ne sait pas ce que c'est, et l'animal. Ces différences entre les êtres humains font aussi que les caractéristiques humaines, nous ne pouvons pas seulement les perdre par une sorte de catastrophe extérieure ou objective, par exemple cérébrale, mais aussi nous les enlever les uns aux autres, que les conditions pour mettre en œuvre nos capacités d'êtres humains peuvent ne pas advenir et nous pouvons ne pas devenir humains à cause des autres humains. Il y a ainsi une série de caractéristiques, des caractéristiques spécifiques, il ne faut pas les nier ou les renier, mais il faut plutôt les assumer parce qu'elles nous relient à l'ensemble des autres êtres. Ce petit mot fragile qui en anglais par exemple, being, comme dans living beings ou human beings, est au présent, au participe présent, parce que c'est aussi une temporalité qui peut s'interrompre et qu'il faut préserver. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Carla Michel qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Manon Delasselle, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, Laurence Malonda à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Jean Frédérix et Hélène Losseur à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission sur les chats, avec cette question « Détiennent-ils le secret de l'existence ?», rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série 4 émissions, 4 animaux philosophiques. Et demain, eh bien, ce sera l'âne. Et oui, les ânes. Enfin, les ânes chez Jean de La Fontaine ou La Revanche des Humbles. Et ce sera avec Patrick Dandré. À demain.